Cultiver le bonheur. Donc, c'est le thème de l'enregistrement présent. Je l'ai choisi parce qu'on est en période de crise et beaucoup d'animateurs de médias de masse, d'autorités gouvernementales semblent au contraire cultiver le malheur, cultiver la peur, la peste émotionnelle. Et en réaction à tout ça, j'ai décidé de cultiver le bonheur dans ma vie, dans le sens de me donner le droit d'être heureux. Et comme le mentionnait le philosophe jovialiste André Moreau, eh bien, le bonheur, ça se décide en vertu d'un choix totalement arbitraire. Donc, la personne choisit d'être heureux par elle-même, pas parce qu'elle le mérite, pas en vertu d'un travail. Il ne faut pas que ça soit vu comme une récompense à un travail d'être heureux. Pas parce qu'elle a de l'argent, pas parce qu'elle est en couple, pas parce qu'elle a des enfants, mais purement arbitraire. Tout simplement parce qu'elle décide d'être heureuse, bien, être heureuse. C'est tout simplement ça qu'a à faire la personne. Et c'est sûr que je le rejoins dans cette perspective. Parce que si on attend après les autres, ou que ça aille bien en société, après près de 2 ans de crise sanitaire, bien, on risque d'attendre longtemps. Surtout que la manière qu'est construite la crise dans les médias de masse, avec la question de l'arrivée de plusieurs variants, plusieurs injections qui vont amener à le renouvellement du passeport relatif à ces dernières, à se faire à un certain intervalle, on crée un système en relation avec la crise, donc un abonnement à un pass sanitaire, donc... Si on attend une sortie de crise, d'ailleurs, il n'y en a pas présentement qui est annoncé par les autorités gouvernementales ici au Québec, où je me trouve. Donc, si on attend après la sortie de crise qui n'est pas encore annoncée au Québec, on risque d'attendre longtemps. Donc, autrement dit, peu importe qu'est-ce qui se passe dans le monde ou qu'on me dit qu'est-ce qui se passe, parce que c'est sûr que la perspective qu'on nous présente sur la réalité dans les médias, c'est une perspective qui s'inscrit dans le cadre d'un discours narratif qui vise à orienter les gens dans une perspective donnée. Mais c'est pas ça qui me permet de choisir ma propre perspective que je me donne sur mon existence. Et dans ma perspective, je me donne le droit d'être heureux sans raison. Comme ça, ben à ce moment-là, je ne donne pas le pouvoir à un élément extérieur à moi de me faire perdre le bonheur. Parce que si la personne donne de l'importance, que ce soit au travail, au couple ou à l'argent pour être heureux, si la personne est privée de l'un de ces éléments, ben, à ce moment-là, elle va perdre le bonheur. Donc, si la personne a un bonheur qui est vécu conditionnel à avoir un conjoint, bon, ben, si le conjoint décède ou il vit une séparation, la personne n'est plus heureuse. Même chose... pour le travail ou l'argent. Donc, il faut être capable, de ce que je comprends, pour être heureux au maximum, ben, d'être heureux pour rien. Puis se permettre à rire pour rien. C'est pour ça que j'aime beaucoup, ces temps-ci, écouter les enregistrements du philosophe jovialiste André Moreau. Je me suis remis à écouter ça récemment, ce qui tranche fortement avec les enregistrements qui sont véhiculés, là, par les autorités ici gouvernementales au Québec ou dans les médias où on fait la promotion du couvre-feu, différentes mesures de contrôle par rapport à ce qu'on nous dit être une crise en fonction du discours officiel. Donc, on nous présente, on nous dit qu'on est dans une crise, puis il faut se préoccuper, puis prendre les distances par rapport aux autres, puis... Ça crée une ambiance de suspicion par rapport aux gens de l'environnement, une ambiance de crainte, une ambiance de délation, une ambiance qui est imprégnée de la peur. Et c'est une ambiance qui, à mon avis, va à l'encontre du bonheur, va à l'encontre du plaisir, de la joie de vivre. Donc, c'est une ambiance qui n'est pas du tout jovialiste. Donc, et c'est pour contrebalancer cette influence environnementale assez lourde. Et en même temps, ben, je suis comme gardé, comme plusieurs d'entre vous, à quelque part, captif par rapport aux médias de masse, parce qu'on nous annonce des mesures très draconiennes. Donc, du jour au lendemain, J'ai appris à la fin du mois de décembre 2021 que là, il y avait un couvre-feu. Donc, à partir de 22 heures le soir jusqu'à 5 heures le matin, eh bien, j'ai pas le droit de circuler dans la rue. Donc, c'est sûr, si j'écoute pas les médias, puis on met ça en place d'une manière assez draconienne. Donc, la mise en application, c'est pas une semaine ou un mois après. Là, c'est vraiment, on annonce ça, puis quelques heures après, c'est en application. Donc, si je suis pas au courant de tout ça, bien, à ce moment-là, ça devient problématique parce que si je me promène en auto dépassé 22 heures, je peux me faire intercepter par la police. C'est sûr que je songe fortement à faire comme je l'avais fait il y a quelques années, à déléguer la tâche d'être attentif aux médias à ma mère. Oui, il y a quelques années au début de la crise, c'est-à-dire en 2020, alors que les mesures de confinement, j'avais délégué à ma mère qui écoutait avec grande assiduité là, les nouvelles dans les médias de masse pour me tenir informé s'il y avait des éléments qui pouvaient avoir un impact concrètement sur ma vie, comme par exemple, c'est sûr, la mise en place d'un couvre-feu, hein, ça a un impact sur ma vie de tous les jours, parce que je sors à l'extérieur, en dehors des heures qui sont permises par les autorités gouvernementales, ben c'est sûr que je peux être arrêté par la police. Donc, je l'avais mandaté de faire ça. Je pourrais refaire ça. Là, je parle à voix haute, là. Parce que je me suis intéressé à l'actualité des derniers jours, puis il y a une lourdeur derrière ça. Dans le fond, il y a beaucoup de journalistes qui cherchent à mettre l'emphase sur la peur, donc chercher à créer une mise en scène des nouvelles très dramatique, donc par rapport à la situation présente en relation avec la crise. Et pour m'équilibrer en contrepartie, j'écoute des enregistrements jovialistes pour dédramatiser mon rapport à la vie. Puis prendre les choses d'une perspective relaxe, mollo, calme, joyeuse, être capable de jouir de la vie. Donc, c'est sûr que le contexte présent n'est pas propice à ça. Et puis, quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans les médias de masse, ici au Québec, pendant plusieurs jours consécutifs, gens qui ont été à Cancun, il y avait un groupe d'influenceurs québécois là, qui ont nolisé un avion. Ils ont pris un avion, puis ils ont fait le party, ils ont fait la fête dedans, ils respectaient pas les mesures sanitaires, les gens étaient pas à distance les uns des autres, ne portaient pas le masque, il y en a en avion qui buvaient de l'alcool, qui fumaient. On parle également là, de relations ou de toucher à caractère sexuel qui ont eu cours dans l'avion. Donc, les gens ont beaucoup défié des consignes et c'était des vedettes des réseaux sociaux là, québécois là, qui étaient ensemble à louer un avion là, pour faire un voyage. Et là, ça a amené plein de journalistes dans les médias là, à réagir par rapport à ça, des journalistes moralisateurs pour les culpabilisants, disant qu'ils sont pas corrects, etc., qu'il fallait faire des enquêtes par rapport à eux. Or, ce que j'ai observé, c'est que par rapport à cette situation qui a amené beaucoup de réactions de Québécois là, qui étaient très offusqués de tout ça, comme les journalistes, par rapport à ces jeunes Québécois qui se sont retrouvés ensemble dans un avion, puis ils se sont filmés eux-mêmes, puis ils ont diffusé ça sur Internet, puis il y avait du plaisir dans l'avion. Ça nous ramène à la réalité qu'au Québec, les gens qui ne vont pas dans le sens des mesures sont pointés du doigt, sont présentés comme étant les moutons noirs de la société. Et c'est vraiment, quand que je regarde ça, une espèce de police du plaisir. Donc, si des gens s'empêchent, se privent d'avoir du plaisir, un peu comme dans le temps de la religion, les gens qui étaient des prêtres catholiques, dans le cadre du christianisme ici au Québec, un prêtre n'avait pas le droit d'avoir de relations sexuelles. Et c'est sûr que si le prêtre entendait parler que des individus, aurait eu des relations sexuelles en dehors des liens sacrés du mariage, à ce moment-là, il allait les pointer du doigt sévèrement, dire c'est pas beau, c'est pas correct, c'est péché. Donc, pourquoi? Ben, parce que lui s'empêche de vivre quelque chose, donc il vit une retenue à l'égard de la dimension sexuelle. Et quand les gens se privent de quelque chose et que ça peut, dans certains cas, leur faire vivre de la souffrance, eh bien, à ce moment-là, ils peuvent vivre une forme de jalousie par rapport aux gens qui se permettent de le vivre et de les juger extrêmement sévèrement. Donc, les gens qui s'empêchent de vivre leur sexualité, qui sont frustrés, qui sont refoulés, eh bien, cette énergie refoulée peut être convertie dans des comportements moralisateurs, extrêmement dominateurs à l'égard de d'autres personnes. Donc, autrement dit, des Québécois qui peuvent être frustrés d'être dans des états de confinement là, dans les derniers jours avec le couvre-feu, qui ne peuvent pas rencontrer les proches, qu'il faut qu'ils portent le masque lorsqu'ils sont dans des lieux publics, soit à 2 mètres, eh bien, c'est sûr que ces gens-là, en contrepartie, lorsqu'ils voient des gens qui n'adhèrent pas manifestement de par leur comportement au discours officiel, qui ne se soumettent pas à la morale sanitaire qui est véhiculée par les médias de base, peuvent être extrêmement offusqués, au même titre que la personne qui s'empêche d'avoir des relations sexuelles, qui cherche à se contrôler, puis qui est refoulée comme un prêtre, voir des gens qui ont des relations sexuelles, ben ces gens-là, eh bien, peuvent être extrêmement mal vus, critiqués sévèrement, donc inversement, proportionnellement à la nature du refoulement. Et j'ai l'impression que beaucoup de Québécois, dans les derniers jours, parce que ça a circulé beaucoup dans les médias, puis j'ai l'impression qu'ils font beaucoup de codes d'écoute là-dessus, de dépeindre là, ces jeunes voyageurs qui ont été en avion à Cancun, eh bien, ça, c'est comme un exutoire là, de frustration en lien avec toutes les privations que les gens connaissent. C'est sûr que là, présentement, ils sont pointés du doigt par rapport à une morale très stricte, très rigide. Et ça parle du peuple québécois, qu'est-ce qui se passe présentement. Et c'est sûr que les gens qui sont pas heureux parce qu'ils souffrent, parce qu'ils se donnent pas le droit d'être heureux, ben c'est sûr qu'ils risquent d'être extrêmement critiques par rapport à ceux qui se permettent de jouir de la vie. Et ça me fait penser un petit peu à qu'est-ce qui est arrivé lors de l'épidémie qu'on a dit en relation avec le sida dans les années 80-90. Bon, ben c'est sûr que dans cette période-là, eh bien, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui ont été pointés comme étant les boucs émissaires de la société, en l'occurrence les homosexuels, qui avaient des relations sexuelles, surtout les gens qui étaient très religieux, conservateurs. Bon, ben ces gens-là les ont pointés du doigt, puis on dit « Ah, c'est de leur faute, il y a la propagation du sida ». Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est de la faute de ce que certains appellent les touristes tatas, ou les gens qui ne suivent pas les mesures sanitaires, s'il y a de la propagation du virus, ou c'est de la faute des non-injectés. Fait que c'est une autre forme de morale pour accuser une partie de la population. Et c'est une dynamique similaire qui se reproduit pour stigmatiser une population, mais en réalité, que la personne soit homosexuelle ou non, elle peut attraper ou transmettre le sida. Que la personne soit injectée ou non, elle peut également transmettre le virus. Donc, autrement dit, ces croyances-là sont erronées. Puis, pendant que les gens sont occupés à accuser d'autres personnes, ben, ces gens-là, simultanément, ne sont pas occupés à être heureux puis jouir pleinement de la vie. Donc, c'est pour ça que c'est important de jouir de la vie. Et pour jouir de la vie, ben des fois, c'est des choses très simples. Prendre un bain qui est agréable, jouer à des jeux vidéo, recevoir ou même donner un massage. D'ailleurs, à ce niveau-là, ou la jouissance sexuelle carrément, donc être capable d'exprimer clairement ses besoins sexuels, par exemple, un homme qui est en couple avec une femme à sa compagne et vice-versa, dans un esprit d'ouverture, de communication, de clarté, pour que chacun sache qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre pour passer du temps agréable. Donc, ça en fait partie d'éléments qui peuvent favoriser un état d'être qui est agréable Parce que pour moi, la santé mentale se cultive fondamentalement en fonction d'état d'être agréable que je peux vivre. C'est pas en vivant en fonction de la peur, de la menace, de l'intimidation, de chantage sociaux que je vais être heureux, naturellement. Et le bonheur, ça se décide et ça peut être tout simplement aussi arbitraire, aussi simple que de rire pour rien. Et d'être capable de trouver la société qui est parfois totalement absurde, très drôle, par rapport au fait que, à quelque part, il faut se permettre de rire de différentes choses. Parce que lorsqu'on est occupé à rire, bon, on n'est pas dans la peur. Et le rire ou l'humour a une façon de s'émanciper par rapport à certains éléments qui peuvent amener des émotions extrêmement désagréables lorsqu'on embarque en fonction d'un scénario qui nous est amené par les gens de l'environnement. Donc, plus qu'on me cherche à m'endoctriner en fonction d'une crise qui se déroule, en fonction d'un conditionnement social où qu'on me dit que d'avoir un passeport, dans le fond, lié à l'injection, là, ça devient de quelque chose de plus en plus indispensable. Et plus qu'à ce moment-là, ben, je prends un recul par rapport à ça, puis je regarde à quelque part que derrière ça, que j'ai ou non un passeport, c'est pas ça qui va me rendre heureux. Ça peut donner une impression de sécurité. Les gens qui vont aller chercher plusieurs doses d'injection, ah ben oui, ça leur donne un sentiment d'être en sécurité. Par contre, est-ce que ça leur donne le bonheur? Ça, c'est une autre chose. Et que la personne soit injectée ou pas, le bonheur, c'est quelque chose qui se décide. Je reviens beaucoup là-dessus parce que c'est fondamental. Parce que si on attend qu'on a des conditions gagnantes au niveau social, au niveau personnel pour être heureux, ben probablement que ça n'arrivera pas. Parce qu'on peut remettre toujours à plus tard le soin d'être heureux puis être des spécialistes dans la procrastination. Donc, tant qu'on attend après l'avenir ou qu'on a de l'espoir par rapport au futur, qu'on a de l'espoir qu'il y ait éventuellement le retour au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump qui ferait un ménage en lien avec les gens dans l'état profond, ou qu'on a l'espoir du retour du Christ, ou on a l'espoir que les extraterrestres vont venir nous sauver puis mettre fin à la crise actuelle. Tant qu'on a de l'espoir, on donne la possibilité à des éléments externes à soi de nous décevoir. Lorsqu'on n'a plus d'espoir et qu'on décide d'être heureux pour rien, ben là, le bonheur repose sur rien. Et c'est sûr que la façon d'appréhender les choses en fonction d'une morale en relation avec la crise qui est véhiculée par les journalistes, ça crée une forme de formatage social. Les gens sont endoctrinés, un peu comme c'était le cas autrefois en lien avec la religion, à se mettre à certains préceptes. Il y a certains dogmes aussi. Donc, dans le domaine scientifique, toute personne qui remet en question ou qui pose même des questions par rapport au discours officiel en relation avec la crise puis le virus, la personne, rapidement, va être stigmatisée socialement, elle va être pointée du doigt. C'est un peu comme dans la religion où il y avait les hérétiques ou les gens qui étaient extrêmement mal vus parce qu'ils n'allaient pas dans le sens du discours officiel. Et c'est un petit peu la même situation qu'on vit présentement en relation avec la crise sanitaire. Et puis, c'est sûr qu'en dépit de toutes les mesures, tous les chantages, toutes les menaces qu'on peut nous faire, pour moi, l'élément fondamental que j'ai à faire, c'est de me donner le droit d'être heureux en dépit de tout ce qui peut être dit, de tout ce qui passe. Puis comme c'est un élément fondamental, ben c'est pour ça que je mentionne ça dans le cadre de cette capsule audio. C'est sûr, j'ai déjà fait allusion à ce sujet-là dans le passé. Je réinvente pas la roue aujourd'hui, mais c'est tellement fondamental de se donner à vivre, dans ma perspective, des états d'être agréables, étant donné qu'il y a tellement de gens désagréables dans notre environnement ou dans les médias qui sont des propagandistes de la peur. et qu'on cherche tout le temps à nous garder dans la peur, une peur journalière. Et même si demain matin la crise sanitaire arrêtait, ben qu'est-ce qui va arriver? Ben ça va être la peur en lien avec les changements climatiques qu'on va remettre de nouveau de l'avant. Et sinon, ça va être la peur de la menace terroriste. On va tout le temps trouver des peurs. Et c'est sûr que par rapport à ça, l'enjeu, ben, c'est l'état d'être qu'on vit. À savoir si on se laisse imprégner par une contagion émotionnelle de peur virulente qui provient, que ce soit des autorités gouvernementales ou des médias, ou on reste détaché par rapport à tout ça. Et on se donne le droit individuel et arbitraire de décréter que dans sa vie, le bonheur, c'est la priorité. Et je vous le mentionne parce que c'est tellement fondamental et que, à quelque part, on décrète toutes sortes de lois arbitraires depuis plusieurs mois, depuis le début de la crise, qui font atteinte aux libertés individuelles. Et c'est la raison pour laquelle que j'évalue que sur le plan individuel, j'ai le droit de décréter des choses dans ma vie pour favoriser mon épanouissement individuel. Donc, je décrète le droit d'être heureux sans raison dans mon existence. Donc, mais par rapport à tout ça, pourquoi j'en viens à vous parler de ça? C'est que je réalise que c'est ce qui favorise ma santé, le bonheur. Donc, pendant la période du mois de décembre 2021, j'ai vécu comme une période de crise existentielle. J'étais pas bien. J'étais pas bien dans ma peau. Je vivais des remises en question importantes, fondamentales, en relation avec mon identité, mes activités de diffusion web, en lien aussi avec des critiques que j'ai eues de la part du public. Et tout ça m'a amené à connaître un état d'être teinté de déprime. Et c'est le terreau qui est fertile pour attraper un virus. Et par la suite, ce qui est arrivé, c'est que vers le 23 décembre 2021, j'ai probablement attrapé un virus. Savoir c'est quel virus ou quel variant, je ne sais pas, je n'ai pas passé de test. Mais l'état d'être dans lequel j'étais, teinté de fatigue, teinté d'un état un peu de déprime, était propice en tant que terrain à être réceptible à développer un virus. Puis là, je me suis mis à moucher, je me suis mis à tousser, j'ai eu des manifestations évidentes là, de symptômes grippaux. Et par la suite, avec le recul, aujourd'hui, alors que ça va mieux, les symptômes, ça a duré quand même plusieurs jours, là, environ 10 jours. Et au moment où je vous parle, là ça va nettement mieux. J'ai retrouvé ma voix. Ma voix, sinon, elle sonnait un petit peu plus du nez pendant que j'étais pas bien. Ce que j'ai réalisé, c'est que fondamentalement, par rapport à mon identité, eh bien, c'est, oui, être ouvert aux autres, mais en même temps, ben, si on est trop imprégné par les autres, ou on peut pas plaire à tout le monde. Il y a cet élément-là fondamental là, que je sais, je le connaissais déjà, honnêtement, depuis plusieurs années, mais là, je l'intègre à un autre niveau, puis être capable de me détacher davantage des influences, puis de rester ancré dans la volonté d'être heureux, même si des gens de mon environnement disent que c'est ridicule, ou même s'il y a des gens qui, dans le fond, vont me contester parce que c'est sûr que je vais tenir un discours qui va être plutôt marginal ou en relation avec une vision divergente de la vie de beaucoup de personnes, dans le sens que si ma vision de la vie est teintée d'une conception de l'être qui est une réalité au-delà du corps physique, alors que je suis entouré des gens qui sont plutôt matérialistes. Alors que pour moi, oui, les objets qui sont solides existent, mais ce ne sont pas des objets matériels dans le sens que derrière ce qui nous donne l'impression d'être solide, il y a de l'énergie derrière ça. Et les atomes, à mesure qu'on les observerait, on se rendrait compte qu'entre chacune des atomes, il y a des espaces qui sont extrêmement grands. Fait que là, à un moment donné, tu réalises que ce qui t'a l'impression qui est solide, oui, ça a une certaine réalité perceptuelle, mais derrière ça, il y a un champ d'énergie unique, ce que certains appellent le champ quantique. Mais là, la plupart des gens, si on leur parle de physique quantique ou on leur parle de ce type de réalité-là, la plupart des gens ne vont pas nécessairement adhérer au discours. C'est sûr que, dans le fond, pour être heureux, il faut s'assumer totalement, en dépit de qu'est-ce qui est véhiculé dans le discours officiel, et ça revient à assumer sa marginalité. Donc, en dépit de tout ce qui est fait, puis être capable de regarder les choses d'une autre perspective. Donc, c'est sûr que quand je regarde les dirigeants au Québec, que ce soit Horacio Arruda, lui, il semble s'amuser quand même. Mais il y en a d'autres, là, comme Christian Dubé, il semble avoir peur, ce monsieur-là, être très préoccupé, anxieux. Même chose, donc Christian Dubé, qui est ministre de la Santé publique, ou même chose pour François Legault, le premier ministre du Québec, ou la ministre de la Sécurité, Geneviève Guilbeault. Mais moi, ma curiosité en tant qu'individu, bon, il adopte certaines stratégies de mesures de contrôle, mais c'est pas ça qui semble rendre heureux le peuple québécois ou rendre heureux ou mettre fin à la crise. Donc, les stratégies qui sont mises en place depuis plusieurs mois, on voit présentement que finalement, ben, on est retourné en période de confinement avec le couvre-feu, quasiment un an après, jour pour jour. Donc, y a des limites par rapport à ça. Peut-être qu'un jour, ces gens-là vont les réaliser. Mais c'est sûr que ces gens-là, peut-être à un moment donné, ils vont développer une façon différente d'aborder les choses pour apporter des solutions nouvelles. Et puis, c'est sûr que par rapport à ce qui se passe présentement, et là, je vais arrêter de marteler le même message depuis tantôt, je pense que j'ai fait pas mal le tour, c'est pas donner le pouvoir aux dirigeants, aux gens de l'environnement de nous décentrer, puis d'être capable de se doter d'un centre d'intégration des émotions, donc un point de gravité permanent, pour être pleinement dans sa vie, puis donner la priorité au bonheur. Dans ma perspective, quand que je suis heureux, ben à ce moment-là, ça favorise ma santé à la fois physique et mentale. Donc, le bonheur, pour moi, c'est un élément qui contribue à la force de mon système immunitaire. Alors que lorsque je suis dans un état de déprime, un état de fatigue, ben là, je peux être plus disposé au virus. Donc, bon, j'ai attrapé un virus dans les derniers jours, puis ce que j'observe, ben, dans ma vie, lorsque je passe les différentes années de mon existence en revue, bon, ben, dans les périodes où j'étais le plus malade, c'était des périodes où je vivais des états d'incohérence interne, de tension, de surmenage parce que j'étais fatigué, j'étais trop actif, je me reposais pas assez. Donc, autrement dit, les périodes où j'ai connu du déséquilibre. Et pour me rééquilibrer, ben, le bonheur est un élément fondamental parce que c'est ce qui me garde en vie. Tu sais, si on n'est pas heureux de se lever le matin, ben là, on devient comme à se lever le matin de reculons, on devient comme démobilisé. Et c'est sûr que le scénario présent, par les différentes mesures mises en place de contrôle social en lien avec la gestion de la crise, puis les mesures qu'on sait qui vont avoir des répercussions, même si la crise finirait demain matin, encore pendant plusieurs mois, plusieurs années, ne serait-ce qu'au niveau économique, en relation avec l'endettement des différents pays occidentaux, parce que la dette à rembourser va être considérable, que ce soit pour le Canada, la France, etc. Bon, ben, sachant tout ça, c'est sûr que c'est assez anxiogène comme information. Donc, la raison pour laquelle, ben, il faut être capable d'être heureux pour faire face à la situation. C'est le constat que j'en viens. Et c'est sûr que quand je regarde les dirigeants d'une perspective originale, ben, je peux me poser la question, est-ce que ces gens-là jouissent? Est-ce que Geneviève Guilbeault, Christian Dubé, est-ce que c'est des gens qui, par exemple, vont expérimenter la thérapie par l'orgasme? Est-ce que c'est des gens qui vont prendre du temps pour se détendre? Se couler un bain qui est agréable, faire de la méditation sur la pleine conscience, sur le bonheur, comme objet de méditation. Donc, est-ce que c'est des gens qui se permettent, par exemple, de jouir de la vie de différentes façons, de mettre leur bonheur dans l'existence? Bien, des questions que je me pose. Ou c'est des gens qui, d'une certaine façon, ont connu le christianisme avec la morale du contrôle, qu'ils ont introjecté, c'est-à-dire qu'ils ont fait pour eux-mêmes, et là, ils transfèrent le même type de morale dans leur façon de gérer la crise, en moralisant les autres qui ne vont pas dans le sens de leur consigne. Un peu comme certains journalistes. Donc, pour moi, il y a eu la religion, il y a eu la religion ici au Québec, il y a eu la religion catholique qui était très moralisatrice. Ensuite, il y a eu la religion verte avec l'écologie. Donc, les gens vont dire aux gens, « Ah, ben, si tu utilises une automobile, t'es pas correct. Si tu manges de la viande aussi, ça fait beaucoup d'utilisation de gaz à effet de serre. Si tu prends l'avion, ça fait beaucoup de pollution. » Donc, la morale verte, c'est de régir les comportements des autres en fonction d'une certaine morale. Là, il y a présentement la morale d'État en Chine avec le crédit social où les citoyens sont observés puis il faut qu'ils agissent en fonction de certains principes étatiques pour, dans le fond, avoir un bon dossier de crédit. Donc, en fonction du concept du crédit social, donc plus les gens sont soumis à une morale d'État, puis plus ils gagnent des points qui leur sont octroyés par les dirigeants de l'État pour les renforcer dans le comportement. Et il y a la morale en lien avec la gestion de crise sanitaire, il y a la morale en lien avec les changements climatiques qui va dans le sens de la morale écologique. Donc, il y a plusieurs morales, il y a plusieurs idéologies, il y a plusieurs systèmes de pensée. Et qui cherche à orienter les comportements des individus pour les conditionner, les rendre prévisibles, puis les diriger dans certaines directions par rapport à l'avenir. Alors que l'individu qui vit en fonction de lui-même, qui vit en fonction de sa capacité de jouir de la vie, de se donner à vivre du bonheur, ben à ce moment-là, cette personne-là est au-delà de ces conditionnements-là, parce que le bonheur repose sur lui-même et non pas en fonction d'une soumission à une morale qui souvent va remettre à plus tard le besoin d'être heureux. En ce sens que, dans le cadre d'une morale religieuse, on va dire à la personne, ben, dans ta vie terrestre, tu vas souffrir, puis si les autorités célestes ou religieuses évaluent que tu as fait une bonne vie, par la suite, tu vas avoir le droit au paradis et à être heureux, mais pas tout de suite. C'est toujours à remettre à plus tard. Et on dit aux gens, ben, si tu te soumets à telles mesures qui sont temporaires, ben, par la suite, ça va bien aller. C'est toujours à plus tard le soin d'être heureux. Même chose pour la morale là, écologique, etc. C'est toujours de remettre à plus tard le soin d'être heureux. Alors que si on décide ici et maintenant d'être heureux, ben là, on sort de ça. C'est une dynamique très différente parce que, comme il a été déjà dit en philosophie, quand sinon maintenant ou sinon ici? Car demain c'est maintenant, hier c'était maintenant, aujourd'hui c'est maintenant, puis c'est toujours maintenant. Fait que si on se permet pas d'être heureux maintenant, ben on sera jamais heureux en réalité, parce que chaque moment de la temporalité est une forme de maintenant. Bon, ben en lien avec tout ça, ben soyons heureux maintenant. Ne remettons pas le choix à plus tard d'être heureux, parce qu'on ne sait pas c'est quand que ça va aller. Puis, comme on l'a vu avec la gestion de crise, ah, ben c'est un petit confinement de 2 semaines. Finalement, 2 semaines devient progressivement 2 mois avec des mesures. Finalement, le 2 mois est en train de devenir 2 ans. Puis peut-être que le 2 ans va devenir 20 ans, et ainsi de suite. On le sait pas. Fait que si on remet à plus tard le soin d'être heureux, on risque d'attendre longtemps. Puis pour être heureux, ben c'est très simple, hein? Être heureux, c'est d'être capable d'utiliser l'imagination créative pour mettre dans sa vie et s'enraciner dans un état d'être agréable, un peu comme la suggestion hypnotique, hein? Vous savez, quelqu'un qui se fait suggérer à tous les jours qu'il faut qu'il ait peur de quelque chose, ben il va finir par avoir peur. Si la personne s'auto-suggestionne, par exemple, à l'effet qu'il est intelligent régulièrement, puis à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que ça donne une plus grande disponibilité à la personne pour utiliser pleinement ses ressources intellectuelles que s'il est conditionné à croire qu'il est un incompétent ou qu'il est un incapable. Même chose pour le bonheur. Si on se fait suggérer tout le temps qu'on n'est pas heureux, puis que tant que ça va mal dans le monde, on ne se donne pas le droit d'être heureux, ben on est limité. Par contre, l'individu peut s'organiser pour être heureux en disant, ben je suis heureux, je célèbre la vie, puis je me donne le droit de jouir de la vie sans me sentir coupable. Puis ça peut passer par différentes choses. Donner le droit d'être en contact avec des gens, les rencontrer en personne. Parce que si la personne a tout le temps peur du virus, puis elle s'empêche de voir des gens, à un moment donné, ça devient ennuyant. Et c'est ça. Donc, la personne a utilisé sa marge de manœuvre pour tirer son épingle du jeu, en dépit de ce qui se passe présentement sur Terre. Et sans attendre, après les autorités officielles, après les extraterrestres, après les anges, après les dieux, après le supramental, après la haute spiritualité, après la philosophie, la personne n'attend après rien. Mais c'est souvent à travers une grande quantité de désillusions vécues que la personne, finalement, elle apprend à entendre rien, après rien. À force d'être déçue par les autres, puis des autorités visibles ou invisibles, à un moment donné, ben, à quelque part, la personne n'a d'autre choix que d'apprendre à prendre par elle-même sa vie en main. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et en ce début d'année 2022, je souhaite à toutes les personnes qui m'écoutent, bien entendu, le bonheur. Parce qu'en début d'année, on peut se permettre encore de faire des souhaits. Donc, les gens qui s'intéressent d'être heureux, plus particulièrement, ben, je vous souhaite le bonheur. Et je me le souhaite aussi à moi-même, en dépit de tout ce qui va se passer, parce que la tension est en train d'augmenter par rapport à la crise présentement sanitaire dans les différents pays. Et comme c'est une situation extrêmement déprimante qui se produit, ben, en contrepartie, ben, je me permets de me souhaiter davantage le bonheur pour créer un effet de contrebalancement par rapport à ce qui se passe. Et avec une volonté de plus en plus ferme de m'ancrer dans le bonheur. Donc, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.